le revit. On a eu qu'on va enlever le problème du frère. Il faut d'abord prendre des âmes. Frères et sœurs, quel cantique vous désirez qu'on chante? Bonsoir, bonsoir, c'est le frère Constant. Comment vous allez? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, quel cantique vous désirez qu'on chante? Je ne connais même pas. Alors, dans ce cas, comme vous n'avez pas proposé de cantique, on va chanter le cantique numéro 8. Oui, cantique numéro 8. Amen. Le nom de Jésus est, c'est nous de Dieu des amants le courant. Il nous appelle au rang des mots précis. Le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Ô merveille d'âge, suprême de gloire de tout nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre pensée,